Ici Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est une période privilégiée où chacun peut se reposer et se ressourcer. Afin de démarrer la nouvelle année en force, je vous demande de respecter les consignes gouvernementales. En diminuant nos contacts au minimum, nous pourrons ainsi réduire la contagion de la COVID-19. Profitez de cette période pour encourager nos commerçants et artisans locaux qui ont grandement besoin de votre soutien. Leurs produits sont uniques et seront appréciés, j'en suis certain. Passez un beau temps des fêtes et bonne année 2021. Pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain ou pour vos forfaits motoneige? Chalet Nature Péribonka vous offre le confort total sur le bord de la rivière situé à Péribonka, au nord du lac Saint-Jean, tout près du sentier fédéré. Chalet Nature Péribonka possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site Internet chaletnature.info ou contactez-nous au 418-218-1376. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonka souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et les invitent à la grande prudence pendant l'année qui débute. Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi, Pascal Cloutier, pour vous offrir des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Après une année mouvementée, que la magie de Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers et qu'elle soit le prélude d'une bonne année 2021. Au cours des derniers jours, il s'est déclaré admissible au repêchage de la NFL qui aura lieu au mois d'avril prochain. On y a parlé l'année passée, c'est Benjamin Saint-Just des Golden Gophers du Minnesota. S'il s'est déclaré éligible, c'est certainement qu'il a il estime qu'il a des chances d'être repêché. On le rejoint au Minnesota. Salut Benjamin! Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Benjamin, c'était ta dernière année senior, je pense, comme joueur dans l'NCAA, c'est ça? Oui, c'était mon année senior, mais avec la nouvelle règle NCAA cette année, avec le COVID, on avait tous les joueurs qui ont compétitionné cette année avaient une année d'extra. Okay. Donc, pour une raison ou une autre, j'aurais décidé de revenir, j'aurais une année de plus, mais techniquement, cette année, c'était mon année senior, mon dernière année. OK. Donc, pour toi, là, Benjamin, si tu as déclaré admissible au repêchage, c'est-tu parce que tu prévois que c'était le temps de faire le saut, tu as eu des approches avec des équipes de la NFL? Cette année, il y a moins de demi-défensifs, donc peut-être que tu as une plus de chance. Qu'est-ce qui a pesé le pour et le contre pour se déclarer admissible au repêchage cette année? Ben, il y a eu beaucoup de facteurs. Ça a été une décision qui n'a pas été prise dernière minute. Ça a été une décision qui a été songé, que j'ai travaillé dessus avec beaucoup de personnes durant la saison, pendant quelques mois. Je suis quand même assez vieux, c'est mon année senior, j'ai 23 ans, j'ai deux diplômes, j'ai gradué ce mois-ci. Et puis, je trouvais que c'était le meilleur temps pour prendre la transition, faire le saut à la NFL. Rester une année de plus à l'avenir avec peut-être quelques avantages, faire plus d'argent sur le premier contrat. Mais venait aussi avec beaucoup de désavantages de en termes de blessures et puis de ouais. d'incertitude. Tu vois, c'était rien de garanti. Donc, je pense que cette année, c'était le meilleur temps pour faire la transition. OK. Dis-moi, est-ce que tu as eu des pourparlers avec des équipes de la NFL? Est-ce que tu prévois sortir vers le milieu du repêchage? Qu'est-ce que tu t'attends pour le repêchage du mois d'avril, là? Moi, je m'attends à aller le plus haut possible. J'ai eu beaucoup de rencontres avec les agents, et puis beaucoup de bonnes conversations et bons commentaires des équipes, des GM et des scouts de la NFL. Donc, en ce moment, la période de janvier, février, mars va être vraiment cruciale pour moi où je vais m'entraîner pour maximiser mes chances d'être repêché le plus haut possible. Mais j'ai des très bonnes chances en ce moment. OK. Est-ce que tu as été invité au Senior Bowl? Le Senior Bowl, qui est un joueur, le match des étoiles de la NCAA, qui représente les meilleurs joueurs seniors. Est-ce que tu as été invité? J'attends encore mon invitation. Donc, techniquement, je n'ai pas reçu l'invitation parce que j'étais pas un true senior. Okay. Comme je te disais, il me restait encore une éligibilité. Donc, la plupart des scouts, au début, pensaient que je n'allais pas déclarer. Donc, le roster final n'est pas encore été sorti. J'ai eu quelques invitations d'autres bowls, comme le East-West Shrine, le Tropical, le Hula Bowl. Donc, j'attends encore pour le Senior Bowl Invite. OK. Lequel des bowls qui serait le plus. C'est Senior Bowl, probablement, qui serait le plus avantageux pour toi pour être vu? Ou, parce qu'on sait que c'est repêché. Ouais, ouais. C'est coaché par des équipes de la NFL. Là. C'est des coachs de la NFL qui coachent ces équipes-là, là, ce match-là. Là. Oui, ouais, c'est ça. C'est un des bowls les plus réputés. Donc, c'est sûr que participer dans ce bowl-là pourrait vraiment aider mes chances à être repêché le plus haut possible. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été une année évidente, j'imagine, hein, pour toi et toute l'équipe et tous les joueurs du Big Ten. De part, le Big Ten devait être annulé la saison. Il y a eu une levée de bouclier des joueurs comme Justin Fields et ainsi de suite. Et par la suite, vous avez connu une saison. Ça a dû être que la préparation s'est faite comment? Pas évident, hein? La préparation pour la saison 2020? Ouais. Ben, dans le fond, nous, on a commencé à se préparer au mois de juillet, début août, pour une saison. On a commencé notre camp d'entraînement. C'était vraiment différent. On pouvait même pas être toute l'équipe ensemble sur le terrain. On devait être divisé par plusieurs groupes pour s'entraîner à cause des restrictions du COVID. Donc là, on a commencé tranquillement. On commençait à avoir un rythme. Ça a été cancellé au milieu du camp d'entraînement. On a eu une pause de 2 semaines. On est retourné à la maison. Là, on est revenu, on a commencé à faire quelques entraînements dans la salle de musculation, course et tout ça, parce qu'on avait envisagé que la saison était cancellée, donc on allait jouer au mois de janvier, durant l'hiver. Ouais. On a commencé ça, là, il y a eu des rumeurs que la saison allait recommencer, donc on a commencé à se préparer pour pratiquer. La saison a recommencé, notre premier match était le 24 octobre, alors, on a dû recommencer le training camp, mais c'était vraiment différent, donc là, on voulait pas refaire 2 training camps, donc on a commencé à faire des pratiques un peu plus light, intelligentes, tu vois, parce qu'on savait que il fallait être durable puis garder nos joueurs en santé durant toute la saison allait vraiment être une priorité, donc on n'allait pas faire des pratiques de 3-4 heures pour brûler tous les joueurs, donc on faisait quelques pratiques juste pour garder tout le monde en shape et tout ça et garder tout le monde dans le jeu. Et on a commencé la saison le 24 octobre contre Michigan. Ouais. On a réussi à jouer, on a joué, je pense, 4 ou 5 matchs. Là, après ça, il y a eu une explosion de cas de COVID, une pandémie dans l'État du Minnesota. On a dû canceller 2 matchs. 2 matchs contre Northwestern et puis Wisconsin. On a réussi à reschéduler notre match contre Wisconsin ce week-end passé. Mais ouais, ça a été un gros rollercoaster. Très, très, très. Dans l'ensemble, est-ce qu'il explique cette saison-là? Parce que les gars, est-ce que tu peux mettre un petit peu sur le fait que les Golden Gophers n'ont pas connu la même année que l'année passée? Là. L'année passée, ils étaient dans le top 25. C'était vraiment le fun de voir aller. Cette année, fiche de 3 victoires, 4 défaites. Est-ce que vous pouvez. Tout ça peut expliquer ça? Ou vous étiez tous dans le même bateau? Puis c'est. Ah, ben là, l'année passée, c'est très différent de cette année. On n'avait pas le COVID, on avait une cellule différente. Là, on jouait pas les mêmes équipes, on jouait des équipes différentes, on jouait juste le Big Ten. Donc, ouais. C'était vraiment, vraiment différent. Mais on a vu des beaux flashs de comment qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur avec les Gophers. On avait beaucoup de joueurs jeunes, comme 7 ou 8 joueurs étaient partis qui étaient seniors l'année passée, qu'on devait remplacer. Donc c'est une année de transition, mais on a très très bien fait. J'ai vu des flashs de joueurs qui vont être super bons dans le futur. Et puis l'année prochaine, ils devraient avoir au moins 10-11 victoires dans le Big Ten. Le National Signing Day a été fait la semaine passée. J'ai pas vu les Golden Gophers, leurs notes. Je vois toujours les mêmes. C'est Alabama, c'est LSU, c'est Michigan, c'est toujours les mêmes. En fait, il y a Ole Miss cette année qu'on a vu. Mais gars, dans l'ensemble, la première QV, puisqu'il y en a quand ça va se poursuivre, là, ça a-t-il été bon le recrutement jusqu'à maintenant? Des Golden Gophers? On a signé une full class pleine. Donc on a rempli tous nos spots. On a acheté toutes les recrues qu'on avait besoin, des 4-stars, beaucoup de 3-stars, tout ça. On a un programme qui développe. Donc comparé aux autres équipes comme un Texas ou disons un Alabama, Clemson qui vont pouvoir recruter avec leur nom et prendre des 5-stars, 4-stars, on va prendre des joueurs peut-être moins connus, 3-stars, 4-stars. 2 stars, des fois, on va les développer ouais. pour les les rendre comme des five stars, tu comprends? Donc, c'est un programme que si le jeune kid a de la difficulté les premières deuxièmes années, on ne remplace pas par quelqu'un d'autre comme ça. On le garde, on le développe jusqu'à temps qu'il devienne le meilleur joueur possible qu'il peut. C'est-tu la force de P.T. Fleck, en fait? On peut-tu dire que c'est sa force? Ouais, c'est la force. Comparé, moi, j'ai joué pour deux programmes. J'ai joué pour l'Université du Michigan, qui est une équipe qui recrute avec leur nom, qui ont beaucoup de five-star, four-star. Puis, pour te donner un exemple, dans mon classe de 2017, j'étais un four-star, j'avais d'autres five-stars. On a eu, je pense, on avait 17 joueurs qui sont venus dans notre classe. De ces 17 joueurs-là, il y en a 14 qui sont partis, qui ont transféré ou qui ont quitté le programme. Okay. Donc, c'est pas un programme, c'est comparé à Minnesota, qui est un programme qui développe beaucoup. On garde nos joueurs ici jusqu'à temps qu'ils deviennent seniors et puis aient une chance d'aller dans la NFL. Un peu comme Cincinnati fait, c'est des universités comme ça. Hein. Cincinnati, c'est un peu le même principe aussi. Ils ont une bonne équipe aux 4-5 ans. C'est-tu un peu le même principe que tu penses? Tu comparant? Comparé à... Cincinnati, ils ont quand même des équipes très intéressantes aux 3-4 ans. C'est-tu un peu le même principe que vous faites un peu, Minnesota, vous développez comme ça? Ben, là, c'est différent parce que là, c'est justement, et P.J. Fleck est dans son prime. Il est arrivé en 2017, donc ça prend quelques années avant de s'établir ta culture et puis comment tu recrutes et puis comment tu coaches. Donc, en ce moment, il est dans son prime. Donc, l'année passée, c'est une bonne année. Cette année, avec la COVID, était différente, c'est un peu plus difficile, mais l'année prochaine, tu comprends, ils vont revenir à la même force qu'on était en 2019. Donc, je pense pas que ça va être un programme qui va... 3-4 ans va être bon. Tu sais, je pense qu'ils les Gophers vont être bons pendant plusieurs années si Coach Fleck fait cela. OK. Benjamin, il me reste deux, trois questions que je vais te poser. Tu as parlé de Michigan. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est mon équipe favorite. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là, les Wolverines? Écoute, cette année, c'est une année de merde. J'ai jamais vu une année comme ça. Je pense qu'il y a même une fiche perdante à Ann Arbor. Tu as joué pour Michigan. C'est quoi qui se passe? Depuis que Jim Harbaugh est arrivé, c'est un spécialiste des carrières, c'est un spécialiste du recrutement. Encore cette année, le recrutement était bon. T'as-tu une idée là-dessus? C'est plus vraiment ma place de parler de Michigan depuis que je suis parti. Je sais qu'ils ont fait tous les changements qu'ils avaient besoin de faire en termes de coach ou de nouveaux joueurs ou de playbook. Et ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Donc là, j'ai aucune idée vraiment qu'est-ce qui doit être changé. Okay. Mais comme je te dis, si tu regardes ma classe de joueurs qui sont rentrés comme freshmen en 2017, des 17 joueurs qui sont rentrés, il y en a 14 qui ont quitté le programme. Si la NFL, est-ce que la Ligue canadienne est une option pour toi? Ah oui, c'est sûr, c'est toujours une option que je garde en tête. En ce moment, je mets tous les efforts pour aller le plus haut possible au repêchage de la NFL, mais si pour une raison ou une autre, ça ne fonctionne pas à la NFL, je suis toujours ouvert à aller dans la Ligue canadienne si l'opportunité est présente. Est-ce que c'est Sacha Gavanni qui te représente aussi, ou c'est le même que Laurent Duvernay-Tardif? Est-ce que c'est lui ou c'est un autre qui te représente? Non, c'est Mike McCarthy de Priority Sports qui me représente. Donc, c'est une agence qui est avec, si je me rappelle bien, est avec Kirk Cousins des Vikings, Kyle Lowry des Raptors. Donc, tu es vraiment de bonne main. Ben, Benjamin, on va te souhaiter la meilleure des chances pour ce repêchage-là. On va te suivre de très, très près. Belle saison avec les Golden Gophers et au plaisir de se reparler quand tu seras repêché. Merci beaucoup, Danny. Benjamin Saint-Just des Golden Gophers du